France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Une éducation cosmopolite, la sociologie, l'histoire, le droit. Et puis bien sûr, la Russie, la France, la Suisse et les œuvres. Tropisme, Marthereau, l'ère du soupçon, les fruits d'or, vous les entendez? Disent les imbéciles, pour un oui ou pour un non, tu ne t'aimes pas? Oui, chacune, chacun a sa Nathalie Sarraute préférée. L'émission Une vie, une œuvre, proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, revenait sur les dates, les faits, l'œuvre, la biographie de Nathalie Sarraute. C'était le 22 octobre 2011. Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque semaine, voici le portrait d'une personnalité qui a marqué son époque. Aujourd'hui, l'écrivain Nathalie Sarraute, 1900-1999. Nathalie Sarraute est née dans une famille de la bourgeoisie russe juive. Elle a fait des études de droit, devient même avocate au barreau. Mais c'est bien sûr la littérature qu'elle découvre en lisant Proust, Joyce et Virginia Woolf qui constitue l'horizon de sa vie. Il lui faudra pourtant attendre les années 50 avant d'être reconnue comme un grand écrivain. Brusquement élevée au rang d'icône, elle devient alors une figure du mouvement le plus à la pointe de la création littéraire du moment, à savoir le nouveau roman dont son essai, L'ère du soupçon, fait office de manifeste. En 1996, elle entre de son vivant dans la Pléiade. Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau ont tenté de savoir ce qui se cachait derrière un tel monument et nous proposent aujourd'hui un parcours en finesse à l'image des mouvements infimes que l'écrivain a constamment explorés dans son œuvre. Portrait donc d'une Sarraute des champs, parfois impertinente, toujours ancrée dans le réel et habitée par l'histoire. Il y a la guerre, c'est la guerre du langage. Il y a des putschs, des coups de force, une violence explosive, terrible. On meurt constamment, il y a des petites morts, on perd un objet. C'est la mort. Une parole nous blesse, c'est la mort. On s'en remet, c'est vrai, mais c'est une forme de mort. Donc le petit rien nous renvoie à l'angoisse fondamentale. Mais elle ne le dit pas comme ça, de façon grandiloquente. Non, elle le suggère. C'est ça qui me touche beaucoup dans l'œuvre de Sarraute, c'est la manière dont la phrase se met en quête de son objet, mais sans du tout vouloir l'emprisonner, mais au contraire, en étant toujours dans cette manière d'avancer à tâtons, de considérer que tout est provisoire, quand on s'approche de l'objet et puis on le dit d'une certaine manière, mais on sait très bien qu'on pourrait le dire autrement. Et cette prudence-là, face au langage, c'est une prudence que je trouve magnifique, et qui fait toute la délicatesse du travail de Sarraute. Et c'est toujours cette impression que ces choses dont je m'occupe, et d'ailleurs c'est une impression assez justifiée, à en juger par la plupart des critiques que j'ai toujours eues, c'est que c'est tout à fait dingue et que ça c'est complètement hors de la réalité, que les gens normaux ne s'occupent pas de ces choses et que ça n'existe pas pour les gens normaux, etc. Et qu'est-ce que c'est que tout ça, ces coupages de cheveux en quatre? Alors je dis, non, non, faites-moi confiance, vous allez voir. Ce n'est pas si stupide que ça, ce n'est pas si réel que vous le croyez. Elle avait besoin d'être non pas dans son petit bureau d'écrivain, mais au milieu de la vie, au milieu des gens. Et donc, notamment sur la fin de sa vie, elle allait régulièrement dans un café où il y avait beaucoup de Libanais. Elle aimait beaucoup parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se disait. Donc, elle était à la fois au milieu et en même temps, elle pouvait creuser son propre terrain sans être interrompue par le sens des paroles des autres. Nathalie Sarraute, une émission de Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau. Toute petite, dans son lit à barreaux, Natacha Tcherniak joue aux mots. Elle les prononce, tout haut, lentement, les regarde s'échapper comme des papillons, redoutant le moment où ils finiront comme tous les autres, épinglés dans l'horrible boîte à signification. Déchirée entre son père et sa mère, ballottée entre la Russie et la France, Nathalie Sarraute entre définitivement dans ce qu'elle appellera plus tard l'ère du soupçon. Les tumultes de l'histoire renforceront sa méfiance à l'égard du langage, des slogans creux, des petites phrases assassines. À plus de 95 ans, l'oreille toujours aussi fine, elle entend encore la police du langage frapper à la porte. Ouvrez. À sa manière instinctive et infaillible, Nathalie Sarraute reconduit en lieu sûr les mots manquants ou incertains. J'ai été frappée depuis ma petite enfance par une espèce de séparation, et ça, je veux certainement, c'est resté dans ce que j'écris, enfin c'est à la base de ce que j'écris, entre ce que disent les gens et ce qui existe dans la réalité. Et alors j'ai écrit les tropismes comme ça, dans un moment d'émotion. J'en écris un, puis un autre, et à ce moment-là, il me semblait que c'était la seule chose qu'on pouvait écrire. Un mouvement psychologique que je voulais saisir sur le vif, enfin, tandis qu'il se déploie, tandis qu'il se développe. Jean-Pierre Martin, dans un essai, Hector Bianchotti dit cette chose, cette phrase. De même que Dédale fait songer à Joyce, Labyrinthe à Borges, le mot temps à Proust, dire tropisme, c'est nommer Nathalie Sarraute. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, il a tout à fait raison, mais on pourrait peut-être le regretter en un sens. Pourquoi? D'abord parce que tropisme, c'est un mot un peu compliqué. Elle qui refuse tout jargon, tout. Elle a trouvé ce mot-là, tropisme. Mais peut-être que c'est une malédiction. Ça éloigne, ça. Et puis, la deuxième remarque qu'on pourrait faire à ce sujet, c'est ne prenons pas trop à la lettre ce qu'elle dit elle-même. Elle dit elle-même que rien n'est plus oiseux que de discuter les théories d'un auteur sans considérer les résultats auxquels ces théories ont abouti. Donc, il faut s'éloigner un peu de cette obsession autour du tropisme. On l'a, évidemment, en l'envisageant tout de même comme le domaine qu'elle a exploré, le domaine nouveau, ce bouillonnement confus où nos actes et nos pensées s'élaborent. Mais bon, on risque de ressasser un peu l'esthétique de l'indétermination, de l'inachevé, etc. Bon, il faut capter la sensation dans son surgissement, l'informulable, etc. Ça me paraît peut-être plus intéressant, au fond, de redonner un contenu émotionnel... charnel. Pas charnel, très sensitif, je ne sais comment dire... Sensoriel. À toute cette histoire-là, sensorielle. Arnaud Rickner, vous avez longuement écrit sur Nathalie Sarraute. Est-ce qu'on peut dire que votre première rencontre avec l'écrivain a été la bonne parce que vous n'avez entendu que sa voix? Oui, c'est vrai. Il se trouve que les éditions du Seuil m'avaient demandé de faire un projet pour la collection Les Contemporains. Et j'avais donc envoyé ce projet à Nathalie Sarraute. Et un jour, j'étais tout jeune, hein, j'avais 22 ans, et j'entends une voix au téléphone qui me dit « c'est Nathalie Sarraute ». Bon, vous imaginez l'importance d'une telle rencontre et cette voix qui déjà en elle-même racontait toute une histoire. En plus, la première chose qu'elle m'a dite très bizarrement, que je n'ai pas comprise sur le coup, que j'ai comprise après l'avoir un peu fréquentée, c'était « je suis très seul, vous savez ». J'étais très étonné, enfin, donc ça fait partie de ces phrases un peu énigmatiques et extrêmement chargé de sens. Je ne comprenais pas pourquoi cette vieille dame, immense écrivain, me disait à moi, tout jeuneau, qu'elle ne connaissait pas, je suis très seul. Vous savez. J'ai une image qui me vient, mais qui est peut-être totalement déplacée, mais quand même, d'aller voir la bête dans sa caverne, l'endroit où Nathalie était là et avait ses grands yeux qui vous attendaient, on se demandait toujours mais qu'est-ce qu'elle pense, exactement comme ces personnages qui sont là, se demandaient mais qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils se taisent, pourquoi. Et puis petit à petit on s'apprivoisait l'un l'autre et du coup les silences devenaient très apaisés, la conversation devenait extrêmement facile et c'était évidemment toujours extraordinaire d'être avec elle. Rappelons-nous comment porter un inconnu après avoir été refusé comme tropisme par les éditeurs, était finalement publié, et puis 400 exemplaires, quoi. Bon, c'est au début, c'est l'incompréhension. Je crois d'ailleurs que beaucoup de choses viennent de ça, c'est-à-dire de cette solitude de Sarraute. Solitude qu'elle a toujours eue par rapport à tout mouvement, par rapport même à la renommée qui est venue assez tardivement, parce qu'il y a eu tout le bouillonnement autour de nouveaux romans. Mais le grand écrivain qui va rentrer plus tard dans la Pléiade, ça n'est que sur la fin de sa vie. Dans les années justement 90, c'est-à-dire à peu près au moment où j'ai fait sa connaissance. Trouver des lecteurs pour sa route, ça n'a pas été évident, même si la notoriété est venue peu à peu, en particulier avec ça a commencé avec le Planétarium sans doute, et puis ça s'est accentué. Mais on voit bien qu'il y a encore un divorce, quelque chose qui ne s'est pas passé, parce qu'elle est, sa singularité est plus singulière que bien d'autres écrivains. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de prime de séduction comme chez Duras. Il y a peu de concessions. Parfois, d'ailleurs, on pourrait trouver qu'elle pousse le bouchon un peu loin. Et donc, ça suppose cette part de malentendu, cette incompréhension. Comment ça? Comment est-ce possible? Vous ne vous aimez pas? Qui n'aime pas qui? Toi, bien sûr. C'était un vous de politesse, un vous qui ne s'adressait qu'à toi. À moi, moi seul, pas à vous tous qui êtes moi, et nous sommes un si grand nombre, une personnalité complexe comme toutes les autres. Alors qui doit aimer qui dans tout ça? Mais ils te l'ont dit, tu ne t'aimes pas, toi. Toi qui t'es séparé de nous, tu t'es mis en avant comme notre unique représentant, tu as dit « je ». Или на работу с большим трудом, и так уже было всегда, в молодости тоже. Я не могу жить, если я не пишу, меня это занимает, я не делаю. Je me souviens de beaucoup de choses, par exemple de la Russie. C'était à Saint-Pétersbourg, à ce moment-là, c'était encore même pas Petrograd. De paysages, de rues, de maisons, de gens. Je vois toujours ces sortes de stalactites de glace qui pendent des toits, les doubles croisées avec de la ouate blanche et des petites branches de sapin entre les deux croisées, et puis des sortes de grandes pièces avec d'immenses fenêtres. Arnaud Rickner, tout commence bien et même très bien pour Nathalie Sarraute. Oui, elle naît donc dans une famille de la bourgeoisie russe, dans la banlieue de Moscou. On n'imagine pas toujours que ce très grand écrivain français est d'abord un écrivain russe, si je puis dire, qui a gardé cette russité en elle. Elle parlait le russe, elle lisait le russe. Une partie de son enfance s'est quand même déroulée dans cette langue-là. Donc la question de la langue maternelle peut se poser pour Nathalie Sarraute. Et par ailleurs, tout l'environnement qui fut celui de son père, qui joua lorsqu'il était à Paris, il joua aux échecs avec Trotsky, ou encore son oncle révolutionnaire, qui fut ou ne fut pas, on ne le sait toujours pas, assassiné par la police du tsar. Tout ça fait une sorte de tourbillon qui ne colle pas toujours avec l'image qu'on peut avoir de cette petite dame telle qu'elle était en tout cas à la fin de sa vie. Mm-hmm. Et en même temps, il y a certainement des traces de cette russité dans son œuvre. Je vois seulement en été chez mon oncle dans une propriété avec un grand jardin où il y avait plein de fleurs et où on traversait à gué avec des chevaux un grand fleuve. Je ne sais pas, je crois que c'était le Dniepr, mais je ne suis pas très sûre. Mais c'est les seuls souvenirs d'été que j'ai gardés de la Russie. Autrement, tous les autres sont des souvenirs de traîneaux et de neige et qu'on retrouve d'ailleurs à la montagne. À ce moment-là, j'avais l'impression que ça pourrait durer toujours. Très vite, Arnaud Rickner, à l'âge de 2 ans, on pourrait dire que le tissu soyeux de la vie de Nathalie Sarraute se déchire. Oui, d'abord à cause de la déchirure même du couple parental. C'est une enfant abandonnée. Plus elle vieillira d'ailleurs, plus elle acceptera cette idée qu'elle a été abandonnée par sa mère. Elle emploie le mot à plusieurs reprises et on sent véritablement ce que vous appeliez la déchirure. Dans son autobiographie, elle se prénomme 2 fois par un nom russe. Oui, son prénom de Natacha, qui réactive aussi ses tropismes d'enfance. Peut-être que le passage de Natacha à Nathalie a été une façon aussi de préserver tous ces tropismes qu'elle va faire ressurgir au moment où elle écrit Enfance, tout en s'en défendant. Elle dit non, tu vas pas faire ça. C'est cette espèce de dialogue qu'elle a avec elle-même. Non, quand même, tu vas pas écrire tes souvenirs d'enfance. Mais précisément, elle soulève en quelque sorte Nathalie pour retrouver Natacha et voir tout ce qui grouille encore. Si j'avais voulu faire une biographie, j'aurais décrit mes grands-parents, mes parents, comment ils étaient, le rapport entre eux, le milieu, etc., etc. Il n'y a pas un mot de tout ça. Il y a certains instants comme arrachés de ces brumes de l'enfance. Et à partir du moment, après 12 ans, où ça devient un monde adulte extrêmement visible, je ne pouvais pas l'écrire. Christine Montalbetti, Nathalie Sarraute est souvent très, très drôle quand elle parle d'elle-même et de son travail. Pour ce qu'on a appelé peut-être à tort son autobiographie, enfance, elle a écrit « C'est pas du tout cuit ». Oui, ce qui est très très beau dans Enfance, c'est cette ouverture dans laquelle elle met en scène ces deux tentations contradictoires, celle d'écrire ses souvenirs d'enfance et en même temps une autre voix en elle qui lui dit « Voilà, tu vas pas faire ça », qui essaye de la retenir dans cette entreprise. Et un des arguments de la voix qui la retient, c'est qu'elle a besoin justement de l'ombre et de la brume pour aller éclairer quelques fragments et aussi maintenir cette ambivalence et que les souvenirs d'enfance risquent d'être un matériau donné. En fait, quand on passe de la fabrication des univers de fiction au discours sur soi ou au discours sur n'importe quelle réalité, on peut avoir l'impression qu'on se confronte à un matériau déjà prêt, au contraire du matériau de fiction qui a un matériau à venir, à construire, qui s'élabore. Parce qu'à l'époque, je singeais les gens qui m'entouraient. Ma mère vivait dans un milieu d'écrivains, était très amie avec Korolenko, collaborait à sa revue. Mon beau-père écrivait. Tous les amis qui venaient étaient des écrivains. Alors moi aussi, j'ai voulu écrire. Et j'ai voulu écrire un grand roman d'amour qui se passait au Caucase. D'avoir 6 ou 7 ans. Je ne savais rien, je ne me rappelle même pas dans quelle langue je l'ai écrit. Je ne connaissais pas les mots, la situation était d'une banalité totale. J'avais pris ça, je ne sais où, dans quel roman. Ma mère d'ailleurs trouvait abominable, mais que lisaient certains enfants, qui m'étaient tombés entre les mains d'une jeune princesse caucasienne enlevée par un djigit, mais je nageais là-dedans, ça m'ennuyait mortellement, et c'était uniquement pour singer les grandes personnes. Quand ma mère a voulu que je le montre et qu'il m'a dit, avant d'écrire un roman, il faut apprendre l'orthographe, je montre dans mon livre que c'est un grand soulagement que j'ai éprouvé, finalement. C'est pas un traumatisme. Et elle dit que cette scène-là l'a fait basculer complètement, qu'elle a arrêté d'écrire de la fiction, alors qu'elle devait avoir, je sais plus, 8 ou 9 ans. Et il y a un moment Donc, juste après qu'elle a évoqué ça, la voix lui dit « C'est un des rares moments de ton enfance dont il t'est arrivé parfois, bien plus tard, de parler. » Et elle répond à cette voix « Oui, pour répondre, pour donner des raisons à ceux qui me demandaient pourquoi j'ai tant attendu avant de commencer à écrire. C'était si commode, on pouvait difficilement trouver quelque chose de plus probant, un de ces magnifiques traumatismes de l'enfance. Tu n'y croyais pas vraiment ? Si, tout de même, j'y croyais. Par conformisme, par paresse. » Et c'est très beau aussi ça, cette histoire de la fable. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit d'un épisode qui a existé, mais il va servir à expliquer, il va servir à donner le change quand on pose la question de pourquoi vous avez publié à... Je crois qu'elle devait avoir 39 ans, en fait, au moment de Tropis, de la publication, en tout cas Tropis, pourquoi vous. Et... Voilà, cette façon dont elle montre que cet épisode qui doit trouver sa place dans l'enfance, parce que c'est un épisode qui a eu lieu, en même temps est retravaillé par la manière dont il va pouvoir servir à rendre compte d'un silence qui a peut-être aussi d'autres causes que simplement ce souvenir d'enfance. Alors, tu vas vraiment faire ça ? Évoquer tes souvenirs d'enfance ? Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas ? Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs. Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Oui, je n'y peux rien. Ça me tente, je ne sais pas pourquoi. J'avais souvent réouvert Enfance, j'avais souvent relu ses premières pages. Comme un encouragement à écrire aussi Oui, ou les laisser flotter justement. Ce qu'elle mettait en scène du flottement aussi, leur donner cette puissance-là de scintiller aussi à leur manière, de trembloter. C'est-à-dire ? Par exemple, cette question du donné que cette voix contraire annonce comme une sorte de facilité, elle répond « rassure-toi, pour ce qui est d'être donné, c'est encore tout vacillant, Aucun mot écrit, aucune parole ne l'ont encore touché. Il me semble que ça palpite faiblement, hors des mots, comme toujours. Des petits bouts de quelque chose d'encore vivant. Je voudrais, avant qu'il disparaisse, laisse-moi. Et cette parole comme ça, hachée, fragile, qui met en scène elle-même le vacillement et la palpitation, elle dit ça, la nécessité de ce qui palpite, de ce matériau palpitant qui est ce vers quoi l'écriture va aller. Je regardais les espaliers en fleurs, le long du petit mur de briques roses, les arbres fleuris, la pelouse d'un vert étincelant, jonchée de pâquerettes, de pétales blancs et roses. Le ciel, bien sûr, était bleu, et l'air semblait vibrer légèrement. Et à ce moment-là, c'est venu. Quelque chose d'unique, qui ne reviendra plus jamais de cette façon. Une sensation d'une telle violence qu'encore maintenant, après tant de temps écoulé, quand amoindrie, en partie effacée, elle me revient, j'éprouve, mais quoi ? Quel mot peut s'en saisir ? Ce qui l'a fait venir à l'écriture, c'est d'abord la rencontre des autres écrivains par la lecture, que ce soit Thomas Mann, que ce soit Virginia Woolf, que ce soit Proust, dont la lecture l'a accompagné, on peut le dire, presque toute sa vie, puisque c'était la dernière œuvre qu'elle lisait juste avant sa mort. Proximité qu'elle a avec cet écrivain immense qui s'intéresse à des riens, à des boutons de porte, comme elle disait, elle-même s'intéressera à des boutons de porte, mais qui font toute notre vie quotidienne. Et donc c'est cela, je crois, qui a fait qu'elle s'est nourrie et qu'elle est devenue cet écrivain que nous connaissons. J'ai adoré Oxford, un admirable collège, en briques ou en pierre patinée, avec la vigne vierge, les bateaux, les pentes, j'adorais ça. J'aimais beaucoup le sport, alors j'aimais beaucoup faire du... J'ai passé des examens pour devenir chef, même de punting. C'est un bateau plat qu'on pousse avec un bâton, je ne sais pas comment ça s'appelle. Parmi les femmes de sa génération, je pense qu'elle était assez à part. Elle a commencé des études de droit, ce qui n'était pas le cas, c'est le moins qu'on puisse dire, de toutes les femmes de son époque. Demi-capitaine, half-captain. Ce que j'ai d'abord passé. Et puis, elle a voulu aller en Angleterre, à l'université d'Oxford. Elle a eu comme ça un parcours à la fois très riche et pas du tout le parcours typique d'un écrivain, si je puis dire. Et puis après, je suis passé chef de punting. C'est moi qui donnais des leçons aux autres. Ah, j'étais très fier de ça. Ça me changeait de la Sorbonne et du lycée Fénelon. Et puis, il y a les randonnées en montagne. Alors ça, c'est l'autre côté de sa route. Là aussi, c'est pas très fréquent pour une femme d'aller faire l'ascension du Mont Blanc, la barre des Écrins, dans les années 20. Et il y a ce côté du personnage qu'on ne connaît pas toujours, mais qui permet aussi de relativiser la connaissance qu'on croit avoir de Nathalie Sarraute comme un écrivain parisien, édition de Minuit, 6e, vivant dans le 16e, etc. C'était pas du tout ça, Sarraute. Il y a une grande richesse, une grande complexité qui permet de voir, y compris dans la biographie, à quel point son univers est ancré dans un réel. Par exemple, des choses très simples, mais l'histoire de l'ascension va devenir un moment assez clé de pour un oui, pour un non. Tiens, puisque nous en sommes là, moi aussi, il y a des scènes dont je me souviens. Il y en a une surtout, tu l'as peut-être oubliée. C'était du temps où nous faisions de l'alpinisme dans le Dauphiné. On avait escaladé la barre des Écrins, tu te rappelles ? Oui, bien sûr. Nous étions 5. Nous deux, 2 copains et un guide. On était en train de redescendre et... Tout d'un coup, tu t'es arrêté. Tu as stoppé toute la cordée. Tu as dit, sur un ton... Et si on s'arrêtait un instant pour regarder, ça en vaut tout de même la peine. J'ai dit ça, j'ai osé. Oui. Donc une œuvre où les deux personnages s'affrontent, deux amis d'enfance s'affrontent, et l'un des deux évoque le moment où en montagne, il a voulu pousser dans le vide son ami, qui faisait une remarque incongrue sur le fait qu'on pouvait acheter de très belles cartes postales du panorama et qu'il était inutile de s'arrêter, qu'il fallait descendre avant la nuit, etc. Ah oui, je me souviens. J'ai J'ai eu envie de te tuer. Et moi aussi. Donc, on voit comment, par petites touches, l'œuvre s'est construite, malgré qu'elle en est, si je puis dire, à partir de sa biographie et de son rapport au réel. Jean-Pierre Martin, dans « Vous les entendez », Nathalie Sarraute a cette phrase « Une œuvre qui tombe comme un pavé dans la mare et fait des ondes ». Est-ce que ça pourrait être une manière de qualifier l'œuvre et l'effet de Nathalie Sarraute ? Oh, je crois, tout à fait. Sarraute est beaucoup plus iconoclaste, beaucoup plus impertinente, beaucoup plus irrévérente. Il me semble qu'on a voulu le laisser croire. En fait, elle est du côté du non-conventionnel. Elle s'oppose à la bêtise grégaire. Le tropisme, déjà le tropisme, elle le dit elle-même, je crois, est à l'opposé des bienséances. Bon. Mais ce qui fait le mieux comprendre, je crois, cette impertinence de Sarraute, ou cette hérésie, ou cette inconvenance, c'est son rapport à la critique littéraire. Et c'est le rapport de ses récits, de ses romans, si on veut, à la pensée critique. Il y a eu, avant et pendant les textes qui sont réunis dans l'ère du soupçon, d'autres textes peut-être moins connus qu'on retrouve dans la Pléiade, qui sont là, pour le coup, des pavés dans la mare, qui sont des textes sacrilèges. Et c'est curieux, comme face à un texte sacrilège, au fond, on fait le silence, on fait comme si c'était pas bien grave. Prenons par exemple le premier de ces quelques textes, qui est « L'enfant d'éléphant », le premier aussi chronologiquement, parce qu'il est paru en 46, elle a peu publié à cette époque-là, et Sartre le publie dans les temps modernes, ça s'appelle « Paul Valéry et l'enfant d'éléphant ». Sartre, lui, il a bien mesuré que c'était un pavé dans la mare, parce que il dit que, vu l'idolâtrie dont Valéry est l'objet à l'époque, il dit qu'il faudrait mettre une garde armée devant le siège des temps modernes, tellement son article va contre les idées reçues. Alors, d'autres textes de ce tabac-là, c'est par exemple Flaubert le précurseur en 65. Mmh. Et là aussi, elle dégomme. Elle dégomme l'idole Flaubert. Elle ne cesse de montrer, de même qu'elle s'était attaquée à l'académisme des vers de la jeune Parc, qu'elle trouvait souvent mauvais, elle ne cesse de montrer comment le beau style chez Flaubert est un style glacé, redondant, l'imagerie de qualité douteuse, les sentiments convenus, une réalité en trompe-l'œil. Vous voyez un peu Flaubert tout de même. Là, aujourd'hui, ça nous parle de s'attaquer à Flaubert. Alors, précisons tout de même qu'elle ne s'attaque qu'à Salammbô et à l'éducation sentimentale. Enfin, c'est déjà pas mal. Et qu'elle sauve Madame Bovary. Voilà. Mmh. Donc la scène primitive, si on veut, de l'entrée en littérature de Sarraute, c'est une scène sacrilège. Et d'ailleurs, elle nous renvoie constamment à la figure de l'enfant, l'enfant qui écoute aux portes, l'enfant qui se pose la question de l'imposture, déjà de la tricherie. Qu'ont-ils tous à tricher ? Alors, s'il fallait se poser la question du tropisme chez Sarraute, l'essentiel, c'est de se dire que Sarraute a cherché un autre langage. Hein. De ce point de vue-là, l'usage de la parole, je trouve, est un sommet. Je ne saurais dire pourquoi, dans ce livre, je me suis adressée au lecteur. Comme si nous travaillions ensemble, comme si nous avions déjà parcouru ensemble un certain chemin. Cette impression que le lecteur connaît déjà, ou certains lecteurs me suivent, connaissent déjà un peu ce que je fais, et qu'ensemble, nous regardons ce qui est en train de se passer. Christine Montabletti, est-ce que vous êtes sensible chez Nathalie Sarraute à ce rôle assez particulier qu'elle accorde à son lecteur? Oui, il me semble que le lecteur est particulièrement présent dans l'usage de la parole. Et cette parole du lecteur qui est inventée, bien sûr, est une parole qui va servir à préciser, qui va la pousser à aller peut-être dans des zones dans lesquelles elle ne voulait pas aller. Vous recourez, vous aussi, à l'adresse au lecteur? Voyez-vous, pensez-vous? Oui, pour moi, c'est très important d'intégrer le lecteur dans mes textes, de lui donner une présence fragile, fantasmatique. C'est aussi une manière de travailler sur cette absence, parce que quand on écrit, bien sûr, le lecteur est le grand absent, mais qu'en même temps, tout ce qu'on écrit est tourné vers lui, en fait. D'où la très grande oralité des textes de Nathalie Sarraute. Oui, je ne sais pas, moi, si je dirais oralité. C'est-à-dire que ce sont des textes qui travaillent sur la conversation, mais cette conversation, elle va se tresser à tous ces signaux qui vont nous dire que ça se passe ailleurs que dans les phrases échangées, que ça se passe autrement. Et au bout du compte, peut-être que le terme d'oralité me gêne, parce que ce qu'on obtient, c'est vraiment un objet littéraire et c'est vraiment un objet écrit. À chaque ligne, à chaque mot, la langue me manque et l'insuffisance du vocabulaire est telle que je suis forcée à changer les détails très souvent. Or, c'est précisément vers ce qui ne se laisse pas nommer, vers ce qui échappe à toute définition, à toute qualification pétrifiante, que se portent tous les efforts des modernes. C'était une conférence. Il y a longtemps, c'était bien avant. Et je suis allé la voir peu avant sa mort. Claude Régis. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous venez? Je n'ai aucun intérêt, je n'ai plus aucun intérêt. Et je lui ai dit que je venais par amitié, et ça a eu l'air de la surprendre. Mais elle était au bord d'avoir 100 ans. Elle avait toujours ces phrases énigmatiques de peu de mots. Je crois que les écrivains ne parlent pas sans écrire. Et c'est un échange qui se fait constamment. Duras, c'était pareil, elle parlait comme elle écrivait. Et d'ailleurs, quand elle écrivait, elle se reprenait chaque fois qu'elle relisait les textes. Donc c'était une parole vivante, mobile, pas définitive. Et d'ailleurs, elle disait elle-même qu'elle entendait plus les mots qu'elle ne les voyait écrits. Oui, mais je suis, moi, convaincu que les écrivains entendent ce qu'ils écrivent, qu'ils travaillent sur les sonorités. Donc c'est certain que même s'il n'y a pas profération, il y a une audition du bruit que le langage fait. Et en même temps, en prenant conscience de ce bruit qui est très important, qui n'est pas le sens, qui est au-delà du sens d'une certaine façon, et qui peut se développer à l'infini selon l'imaginaire du lecteur, selon l'imaginaire de l'auditeur, dans le cas du théâtre, qui peut être aidé là par l'imaginaire du metteur en scène et par l'imaginaire des acteurs pendant qu'ils travaillent. C'est tout ce travail sur le langage qui est complètement passionnant et qui n'est pas du tout du théâtre. C'est-à-dire, si on assimile le théâtre à une représentation, il n'y a pas de représentation. Là, il n'y a de représentation qu'imaginaire, que ce qui se développe dans l'esprit des gens. Il faut la restituer aussi dans l'espace sonore. Et par conséquent, vous avez le temps de la laisser circuler un petit peu quand même. Oui. Mais vous voyez, là aussi, on peut avoir un travail encore plus intérieur, c'est-à-dire explorer encore plus des zones rares. Avec Jean-Louis Barrault, Claude Régis a été l'un des tout premiers à mettre en scène le théâtre de Nathalie Sarraute. Isma, c'est beau, et en 1980, elle est là. Pour que la vraie nature du texte soit restituée et qu'on n'ait pas du tout l'impression d'un dialogue. Et maintenant, on arrive presque à avoir trois voix à plat, et c'est très très bien. Comme presque une seule voix qui parle, et c'est très bien aussi. Théoriquement, il ne faudrait pas représenter, il ne faudrait rien représenter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre les acteurs complètement dans le noir, entendre seulement les voix, se souvenir que c'est des écritures pour la radio à l'origine, donc faites pour être entendues, et pour rien ne doit être vu. Donc, ce qui est passionnant, c'est que c'est une impossibilité, en fait. Alors, je ne sais pas trop comment sentir, mais les gens de théâtre ont tendance à s'en tirer en faisant du théâtre. Et en faisant, les acteurs font les acteurs, le metteur en scène fait de la mise en scène, et on fait du théâtre. Et je ne pense pas que ça fasse beaucoup de bien à l'écriture de Nathalie. Alors, son théâtre reste une énigme. C'est un théâtre extraordinaire. Ça n'est pas un théâtre, c'est de la littérature, mais moi je crois beaucoup à l'importance de la littérature et qu'on peut faire théâtre avec la littérature. Mais c'est vrai que pour un metteur en scène qui veut s'attaquer à ça, il y a aussi les metteurs en scène qui ont monté par exemple des extraits d'enfance, qui ont donc travaillé sur des textes qui n'étaient pas destinés au théâtre. Mais pour dire la vérité, je n'ai pas trouvé vraiment le moyen de faire exister des textes comme je l'aurais souhaité, parce qu'on n'a peut-être pas trouvé le secret qui est enfoui là. Et d'ailleurs, peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'en faire du théâtre. Peut-être que la radio était supérieure pour ce traitement-là. Et peut-être surtout que la lecture et tout ce qu'elle génère de rêves, de mémoires, de prolongements infinis est beaucoup plus importante que le théâtre. Et sa présence comptait pour vous ? Sa présence comptait beaucoup. Et il faut dire que quelquefois, on sentait qu'elle ne supportait pas du tout. Je crois que c'était surtout certains timbres de voix. Elle m'a dit qu'il y avait des voix, des certaines façons de parler, des certains timbres de voix, spécialement féminines, m'a-t-il semblé, qu'elle ne supportait absolument pas. Et c'est arrivé pour une des actrices que j'avais engagée, je pense, pour un des spectacles. Et à ce moment-là, pendant la lecture, elle prenait sa tête dans ses mains et elle accompagnait sa tête jusqu'entre ses genoux. Et on sentait que ça n'allait pas du tout. Mais ça, c'est fréquent. C'est-à-dire que les auteurs sont trop attachés dans leurs fibres avec ce qu'ils écrivent. Donc c'est très très difficile pour eux de supporter un déraillement. C'est-à-dire une voix, un timbre de voix, un rythme qui n'est pas leur propre voix intérieure et leur propre rythme personnel. Donc, c'est vrai que Duras, à la fin de sa vie, a voulu lire tous ses textes. Donc, Nathalie a fait des enregistrements de ces textes, je pense. Et on sent que quand les auteurs lisent, il y a une autre écoute du texte. Il y a une autre matière qui est transmise que les acteurs ne savent pas toujours transmettre. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Des mots pour de bon tombés du ciel. Mais non, c'est de la terre qu'ils viennent. Quoi de plus banal, de plus courant que silence, infini, espace, éternel? Il a fallu qu'un miracle les assemble. Aucune volonté humaine n'aurait pu y arriver. Porté par ces mots, le long de ces mots, ébloui, étourdi, on s'avance. Le silence éternel de ces espaces infinis. M'effraie, qui parvient encore de très loin. M'effraie, un faible gémissement. M'effraie, le grattement, le tapotement tremblant d'un autre, d'un semblable soumis au même supplice. M'effraie, le signe, la preuve. C'est donc certain. C'est ainsi, et on y est arrivé. On s'y trouve. On est où il n'y a plus rien, nulle part, rien, rien, rien, jamais, à jamais, à jamais, rien. Arnaud Rickner, il y a une photo mythique de Nathalie Sarraute. Elle n'est pas seule, elle est en groupe. Oui, c'est la photo devant les éditions de Minuit, qui effectivement est devenue une photo mythique, comme vous le disiez. Mais c'est d'autant plus intéressant que c'est une photo qui, sur plein de points, est totalement factice. Alors, qui y a sur cette photo? Alors, de mémoire, il y a Claude Simon, Claude Ollier, Claude Mauriac, Jérôme Lindon, Nathalie Sarraut, Alain Robbe-Grillet, et j'en passe, que j'oublie malheureusement. Et ce qui est intéressant, donc je le disais, c'est une photo factice dans la mesure où elle a l'air de constituer un groupe. Et en fait, ce groupe n'a jamais vraiment existé en tant que tel. Mais finalement, Sarraut en particulier, qui est la seule femme sur cette photo, ça n'est pas un hasard, a toujours été à la marge. Voilà, alors ça c'est moi à Férence, dans les années 50. Parce qu'on a acheté la maison en 49-50. Ça c'est moi avec Raymond. À Férence, j'ai une passion pour cette maison. Raymond, on était complètement fous aussi. J'avais transformé une petite étable en bibliothèque que j'écrivais là. Il y a une photo que vous aimez particulièrement, Arnaud Rickner. Oui, c'est une photo assez ancienne, une photo à Chérance dans les années 50-60, où elle est de dos, dans les champs, on voit la glèbe, vraiment les champs très, la terre retournée, et elle est toute seule au milieu de ce champ avec un gros manteau en cuir. Pas du tout l'image traditionnelle qu'on pourra avoir par la suite de Nathalie Sarraut. Et c'est vrai qu'il y a ces deux aspects de Sarraut, la Sarraut de la ville et la Sarraut des champs, si je puis dire. Et alors cette photo de Sarraut tournant le dos, se dirigeant vers ce qu'elle appelait le point de vue, je crois. Oui, c'est-à-dire une sorte aussi de point de fuite. Hein, on la voit vraiment partir vers une sorte d'infini. Et du coup, se perdre presque dans la terre, devenir absolument irreconnaissable. Ce qui est le cas, encore une fois, de ces personnages. Il y a une sorte, on pourrait presque par métaphore dire qu'elle va vers le neutre. Ce que Barthes appelait le neutre, c'est-à-dire une sorte d'indifférenciation. Elle est, avec le manteau de cuir, c'est une photo en noir et blanc, en train de se perdre à l'horizon dans ce champ de terre. Bon, elle va très loin dans ce sens-là. Jean-Pierre Martin. Puisque même les voix sont neutralisées, pas de différence de sexe, pas de différence d'origine, pas d'historicité, pas de socialité, elle va très très loin. Neutralisation. Et quel paradoxe, quelle énigme. C'est une vraie énigme, ça. C'est une vraie énigme parce que, bon, évidemment, elle n'est pas la seule. Il y a une tendance en réaction contre le roman engagé, etc. Le nouveau roman, on sait bien, bon, c'est le soi-disant nouveau roman. Mais elle, la singularité Sarraut, elle, dont il faut toujours rappeler, dont on ne peut que cesser de rappeler que cette Natalia Tcherniak est née en 1900 à Ivanovo, à 100 km au nord-est de Moscou, mais surtout de père et de mère juifs. Rappelons aussi que son père avait était chimiste, qu'il aurait dû être interdit de séjour dans cette ville d'Ivanovo, qu'il a reçu une dispense du tsar, parce qu'il est chimiste précisément, qu'il a trouvé un procédé pour empêcher que les couleurs ne passent à la lumière. Voilà. Bon. Passons là-dessus, elle vient en France, etc. Alors, bon, évidemment, elle n'est pas la seule à être juive, en quelque sorte, juive de négation. Hein. Mais plus tard, en 1940, elle est radiée du barreau. Elle est avocat, entre-temps, elle est radiée du barreau. En raison des lois anti-juives de Vichy, elle doit divorcer de son mari. Parce que son mari, lui-même né de mère juive... C'est mieux qu'il ne soit pas marié avec une juive pour qu'il puisse continuer à exercer, je crois. Ensuite, elle se réfugie. Elle va chercher son étoile jaune. Elle refuse de la porter. Elle se réfugie, je ne sais plus où, mais il y a un boulanger la dénonce. Elle va, c'est une errance pendant la guerre. Elle va se réfugier avec ses enfants à la campagne, avec sa famille, sous un pseudonyme, Nicole Sauvage, avec tout de même NS, hein, les mêmes initiales. Elle se fait passer pour l'institutrice de ses enfants. Mmh. Tout ça, on le sait, mais elle ne nous l'aura pas raconté. Et pourtant, elle est traversée par tout cela. En 45, son mari, Raymond, donc Sarraut, écrit un petit livre aussi, un petit livre sur la... Les Juifs. Sur les Juifs, sur l'occupation. Bon, ce ne sont pas des anecdotes. Or, son récit autobiographique, le seul en France, évidemment, rien là-dessus. Justement, Sarraute ne voulait pas qu'on s'aventure sur ce terrain-là, de sa judaïté, par exemple, où elle ramenait toujours des tropismes à des petites choses par rapport aux catastrophes de l'histoire, mais en même temps, elle ne cessait de les mettre, ces catastrophes de l'histoire, par métaphore. Elle parle d'exécution, de gibet, de potence. D'extermination. D'extermination, absolument, par le gaz, enfin, de gaz qui s'insinue. Donc tout cela, évidemment, n'est pas innocent. Il est vrai que lorsqu'on lit son œuvre avec cela en tête, je pense que ça remet bien les choses en place. Ce dont elle parle, ce n'est pas de l'anodin. C'est drôle, Robert, que vous ne sentiez pas ces choses-là. Vous n'êtes pas fait comme tout le monde, je vous assure. Il y a des gens. Elles poussent si fort chez eux qu'ils sont capables. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Il y a des gens. Je ne parle même pas des héros ou des saints. C'est bien plus extraordinaire que ça. Les dénonciateurs, par exemple. J'ai connu un boulanger sous l'occupation. Ce n'était pas par haine, pas par conviction, non. Simplement, elle poussait en lui la vérité. Il ne supportait pas ça, les faux noms, les faux papiers, et que tout le monde marche. Il fallait que ça sorte. Je suis sûr qu'il aurait pu de la même façon sauver... Ah, non, non, là vous exagérez. On allait tout de même pas en faire un petit saint de votre moucheur. Mais je ne blague pas. Vous avez peut-être raison. Moi, je me rappelle, pendant la guerre, il y avait des Canadiens parachutés. Mon mari les avait rencontrés dans la forêt. Ils fuyaient. Et mon mari courait vers eux et leur tendait les bras. Enfin, il a réussi à les ramener à la maison. Alors c'est vous maintenant qui tenez le rôle? Alors je ne comprends plus. Mais quel rôle? Je ne joue pas. Ça s'est passé pour de bon. Nous habitions en Seine-et-Oise. Vous habitiez en Seine-et-Oise? Sous l'occupation? Allons bon. La machine à détecter le mensonge se remet en branle. Arrêtez, je vous en prie. Laissez Simone raconter. J'adore quand elle raconte. Décidément, ma petite Lucie, vous êtes indécrottable. Oh, vous, hein, taisez-vous, c'est assommant à la fin. Vous ne croyez jamais personne. Elle n'était pas en Seine-et-Oise, puisqu'elle était en Suisse pendant toute la guerre. C'était très difficile pour elle d'être russe et de ne pas être russe, d'écrire en français avec une maîtrise de la langue absolument extraordinaire, d'être juive dans le contexte de persécution qui régnait sous Hitler. Je pense que c'est des choses monstrueusement difficiles, et peut-être qu'elle a exprimé justement quand ces choses infimes engendrent une violence, une destruction de l'univers entier, et fait penser à des camps de concentration pour détruire une partie de l'humanité. Donc là, on arrive à une violence effrayante. Et c'est toujours au bord du meurtre, cette insupportation. Mmh. Et c'est ça qui est frappant, c'est de partir d'une chose infiniment petite et de voir comment les choses se développent et peuvent engendrer un effondrement de la planète. Et il faut faire des recherches approfondies ou vraiment fouiller pour trouver des petites traces de son rapport à la judaïté, le fait que, par exemple, dans une lettre de Mary McCarthy à Hannah Arendt, on trouve cette phrase que Nathalie Sarraute, avec qui elle a conversé, donc, est de retour d'Israël et est obsédée par la survie d'Israël en tant qu'Israël. Voilà. Mmh. Ou bien un petit texte aussi qui s'appelle « J'ai porté l'étoile jaune » de 59, où elle dit « Pendant l'occupation, je me suis sentie juive ». C'est-à-dire injustement persécuté, mais nullement impliqué dans une culture et une religion que je ne connais pas. Bon, bah voilà, on n'a pas grand-chose. Il n'y a pas eu de retour là-dessus. Il n'y a pas eu d'infléchissement de l'œuvre. On aurait pu imaginer que tout cela, après 40, 45, la recherche du tropisme s'infléchisse, qu'elle dise quelque chose là-dessus. Mmh. Eh bien non. Aucun retour comparable à celui de Duras avec la douleur. L'énigme reste totale. Elle a écrit une pièce qui s'appelle « Le silence », je crois, qui est une démonstration absolue qu'en se taisant, quelque chose peut se faire entendre très, très fort. Moi, je trouve que je n'ai pas le droit, étant donné ce qu'ont subi les autres, de commencer à parler de mes malheurs à cette époque-là. Je m'en interdis complètement. J'étais très privilégié. Et vraiment, quand on pense à l'horreur sans nom, littéralement, de ce qui est arrivé à tant d'autres. J'ai eu cette chance. On éprouve presque une gêne, vous savez ça. Christine Montalbetti, est-ce qu'il y a une phrase de Nathalie Sarraute qui vous a agrippé, pour reprendre l'expression favorite de Sarraute à l'endroit de son lecteur? Oui, il y a beaucoup de phrases qui m'agrippent ou qui m'enlacent plutôt, qui m'enveloppent, qui me prennent dans leurs liens, mais d'une manière assez douce, plus douce peut-être que d'agripper. Par exemple, dans « Vous les entendez », il y a des phrases non seulement qui travaillent dans le suspens, dans la prudence, mais même dans lesquelles elle se corrige, dans lesquelles elle met en scène le tâtonnement aussi comme un retour parfois sur ce qui a été dit. Oui, c'est ça. Si peu de choses pourtant, un seul mouvement peut les écraser, pas même les écraser, les effacer d'un seul coup, sans qu'aucune trace n'en reste, pas une giclure, pas une salissure. Donc là, dans le pas même, hein, un seul mouvement peut les écraser, pas même les écraser, les effacer. Donc on va revenir sur le verbe. Mais ce qui compte, c'est moins d'avoir trouvé le mot juste, parce que le mot juste serait enfermant s'il était unique, que de mettre en scène la quête. Parce qu'on pourrait imaginer que sur le brouillon, elle rature écraser et puis elle met effacer. Mais non, ce qui est intéressant, c'est précisément de s'être trompée, parce qu'en se trompant, on va vers un champ métaphorique. Ensuite, elle dit salissure, giclure, parce que si on écrase ça, voilà, ça produit des dégâts. Et puis, non, c'est l'effacement. Et donc, c'est aller vers un champ de métaphore et puis finalement l'annuler, aller vers autre chose et mettre en scène la correction, justement comme une des formes que prend cette prudence du langage. Est-ce qu'on peut dire que Raymond Sarraute a été son oreille favorite? Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle le disait qu'il avait été son premier lecteur jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense que sa solitude finale, d'ailleurs, venait de cela aussi, de ne pas pouvoir lire ce qu'elle écrivait à cette oreille de Raymond Sarraute, qui lui renvoyait toujours. Elle savait, disait-elle, elle savait quand c'était mauvais, elle savait juste à la... Bah, peut-être au tropisme qui passait à la façon dont Raymond Sarraute écoutait, que c'était qu'il fallait réécrire. Oui, c'est ça, c'est une chose qu'elle a dit, c'est que Claude Régis. Raymond Sarraute a été toujours son premier lecteur, et c'était au moment de Tu ne t'aimes pas, il venait de mourir, donc elle avait perdu, entre autres, ce premier lecteur. Donc elle a demandé si elle pouvait me lire le texte et j'ai senti qu'il fallait manifester quelque chose. Donc j'ai un moment où il y avait beaucoup d'humour, comme elle en a le secret, j'ai fait entendre un léger rire et quand elle a senti qu'il y avait une correspondance vivante générée par son texte, tout d'un coup, sa lecture a changé. Elle est devenue vraiment vivante et elle a pris une espèce de courage et de confiance dans le texte. C'était absolument unique et magnifique à voir. Je pense que personne n'a jamais vu ça. Et bientôt, la Pléiade, cette reconnaissance, ça te donne un petit peu de plaisir. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis un caractère à ce point tourmenté constamment par la chose qui est en train de se passer, mais absolument impossible de commencer à me réjouir. Je ne sais pas comment ça se... Enfin, je n'y pense pas. Et arrivé à mon âge, je crois que ça devient très sain de ne pas penser à l'avenir. Ça, c'est devenu quelque chose de positif alors qu'avant c'était négatif. Christine Montalbetti, il y a un texte qui ne se trouve pas dans la Pléiade, qui est un des derniers textes de Nathalie Sarraute, qui porte un titre assez magnifique et simple, « Ouvrez ». C'est un texte auquel vous êtes particulièrement sensible. Il y a quelque chose d'émouvant à ces derniers textes, et ces derniers textes aussi qui interviennent au bout de longues vies d'écriture, comme aussi le dernier texte de Duras qui s'intitule juste « C'est tout ». Bien le dernier texte de Pinget, « Tache d'encre ». Ce sont des textes qui sont vraiment bouleversants parce que ce sont des prises de congé explicites. Et dans « Ouvrez », il me semble que Sarraute fait plus, c'est-à-dire elle continue à aller plus loin dans sa propre esthétique. Elle va très loin dans le fait que les mots deviennent littéralement des personnages. Mmh. Alors, tu sais de quoi tu as l'air maintenant ? Non, de quoi ? Tu as l'air d'un taca, tu t'en rends compte, d'un taca, c'est amusant. Amusant d'être un taca, mais tu ne sens pas combien taca il est, vulgaire. Non, moi, taca ne me choque pas, mais pas du tout, taca, taca. C'est un petit air exotique, taca, taca, ce nom, plus je le répète, plus il me plaît. Elle continue à explorer. C'est pas seulement cette prise de congé par petites touches, c'est aussi aller plus loin dans l'entreprise. Mais le dernier texte, qui est un texte sur l'expression tac au tac, est un texte curieux parce que tout en parlant de ça, du tac au tac, aussi de l'esprit d'escalier, donc elle avait dit dans Enfance qui la caractérisait par ailleurs, tout en étant vraiment concentré sur son objet, on dirait qu'il raconte une fable secondaire. Et la toute fin de ce dialogue sur l'expression tac au tac, il a peut-être même fini par disparaître. En tout cas, aucune trace n'en reste. Et là, on parle vraiment de l'expression, mais il y a comme un double discours qui s'établit et une fable aussi sur soi-même. Donc je lis ces dernières phrases. En tout cas, aucune trace n'en reste. Alors, ils s'efforcent de le ressusciter, mais ils ne peuvent qu'évoquer une ombre, le fantôme du tac disparu. Un tac qui a un aspect étrange, incongru. Que vient-il faire là tout d'un coup ? Pas même une trace n'est restée de l'endroit où le tac s'était enfoncé. Un épais gazon, bien soigné, le recouvre. Et le livre s'achève là-dessus, et c'est difficile dans cet épais gazon, bien soigné, qu'il recouvre, de ne pas voir un tumulus, une tombe sur laquelle l'herbe aurait poussé. Avec Jean-Pierre Martin, Christine Montalbetti, Claude Régis et Arnaud Rickner. Avec les voix d'Isabelle Huppert, de Nathalie Sarraute et les sculptures sonores de Bernard Leitner. Archivina, Hervé Evano. Extrait, Un siècle d'écrivains par Jacques Doyon. Conversation avec Nathalie Sarraute par Claude Régis. Enregistrement, Catherine Déréthé et Jean-Benoît Tétu. Mixage, Manuel Couturier. Attaché de production, Laurence Genepin. Une émission de Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau. Dès que viennent des mots du dehors, une paroi est dressée, seuls les mots capables de recevoir convenablement les visiteurs restent de ce côté, tous les autres s'en vont et sont pour plus de sûreté enfermés derrière la paroi. Mais la paroi est transparente et les exclus observent à travers elle. Par moments, ce qu'ils voient leur donne envie d'intervenir. Ils n'y tiennent plus, ils appellent « Ouvrez ». C'était Une vie, une œuvre, Nathalie Sarraute. Merci à Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 octobre 2011.